t'aime encore, mais pour des raisons équivoques. Mes ailes mortes sourdes sur un plan d'air rock. Et je parle à la pluie qui tombe tous les chagrins. Pourvu la sécheresse de tes reins, mais je ne t'en veux pas. Malgré tous ces arias, quand les draps se soulèvent le matin et moi seul, ta présence comme un rêve soulève mon linceul. Quand les draps se soulèvent le matin et moi seul, ta présence comme un rêve soulève mon linceul. Alors je creuse en moi le cercueil de l'espoir, et hors les croûtes de l'émoi je fuis ma vie. Je cherche malgré tous les fantasmes du grand soir. Je ferme les yeux quand j'entends tes si beaux cris, mais je ne t'en veux plus. Même si j'ai tout perdu, quand les draps se soulèvent le matin et moi seul, ta présence comme un rêve soulève mon linceul. Quand les draps se soulèvent le matin et moi seul, ta présence comme un rêve soulève mon linceul. Mais je chierai partout pourtant, tout en pensant à tes amants. Quand les draps se soulèvent le matin et moi seul, ta présence comme un rêve soulève mon linceul. Quand les draps se soulèvent le matin et moi seul, ta présence comme un rêve soulève.